Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Aujourd'hui, je vous présente une chronique que j'ai faite sur les ondes de Choix Radio X en 2017, plus précisément en août 2017, avec les animateurs Yannick Tremblay et Raphaël Beaupré. C'est une chronique dans laquelle je vais parler de l'univers de Walt Disney, de sa création jusqu'à aujourd'hui. Je sais pas pour toi, Raph, mais moi, entendre la trame de Disney, les feux d'artifice, on rajeunit, le château hein? de princesse. Puis là, on a des petits papillons, on a les petits yeux brillants, puis on se demande c'est quoi qui s'en vient, puis on sait que ce qui suit est bon. Puis avec la petite fée clochette. Oui! Ting! Ting! On parlait de Disney, cet empire qui n'a plus besoin de présentation, mais qui domine. C'est pratiquement un monopole. Puis je me dis, ben pourquoi pas en parler? Tu sais, on s'entend, c'est le 14 août, c'est léger. Hein, on parlait de feel good. Et Disney, c'est souvent du feel good. Mm-hmm. Dans les films, dans les animés, qu'est-ce qu'on a connu dans les années 40? Et ça remonte à loin. Pour faire un bref historique du merveilleux monde de Disney, eh bien, Christian, on a Christophe Lassens oui. En studio, un vrai passionné. Bonjour Yannick. Ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Merci beaucoup d'être là en studio. Ça me fait plaisir. En passant, Raphaël, toi, princesse... Pas princesse, mais non, mais quand même, tu sais, les petits chiens, les petits papillons, ben les oui, petites patentes. Je suis peut-être moins princesse, mais encore là, j'ai aimé les films de princesses pareils. Ben non, c'est sûr, qui aime pas ça? Si t'avais été une princesse dans le merveilleux monde de Disney, tu serais qui? OK, donne-moi, OK, juste à la fin de la chronique, je vais arriver avec une réponse. Cendrillon? Non. Donc, tu laves les planchers de jour, puis le soir, tu te transformes non, en princesse, non. Puis tu vas veiller sur la grande allée dans un carrosse. C'est toi? Moi, je la verrais, puis c'est drôle, là, parce que je fais rire le monde un petit peu, mais je la verrais plus en belle, mais pas belle de La Belle et la Bête, mais belle de La Belle et le Clochard. OK, ouais, qui mange, ouais, elle mange le spaghetti là. À exact. Deux, là. Ça, ouais, mais... que ouais, ouais. Ça serait plus Raphaël. Ouais, peut-être, ouais. Live à commercialradiox.com. Raphaël, c'est quelle princesse dans Disney? Pourquoi pas? Et on y reviendra plus tard. Christophe, t'es un véritable passionné de séries, de films. Oh, écoute, je suis tombé dans la marmite quand j'étais bébé. Alors, oui, j'ai fait une évolution, toute mon évolution d'être est reliée au cinéma. Alors, wow. C'est tout ce que j'ai appris ou tout ce que je connais comme individu, c'est le cinéma principalement qui me l'a apporté. Donc, aujourd'hui, on va parler de Disney. Parce que Disney, aujourd'hui, maintenant, c'est la guerre des étoiles. C'est des films un peu plus... c'est moins féerique qu'à une certaine époque, mais Disney, pour ce qui est de la guerre des étoiles, on s'entend que c'est quand même un prince, puis c'est une ben, enfin, princesse. Ouais, il y a toujours la princesse, il n'y a pas de prince, parce que je peux pas considérer Han Solo comme non, un prince. Non, j'avoue. Mais ceci dit, je te dirais que je vais te surprendre, Yannick, en disant que Disney est devenu adulte plus vers la fin des années 70 et début des années 80. OK. Mais on va y en revenir. Parce qu'il faut... Moi, je me dis, pour qu'on parle de qu'est-ce que Disney est aujourd'hui, ça serait bien qu'on parle de qu'est-ce que Disney était avant et comment ils sont arrivés à ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que la compagnie Walt Disney, ça a commencé dans les années 20. 1923, plus précisément le 16 octobre, que les deux frères Disney se sont associés pour créer la compagnie, qui à l'époque s'appelait Disney Brothers Cartoon Studio. Donc, on parle de bien sûr Walt Disney, celui que tout le monde connaît, et il y a Roy Disney, que c'est lui qui est toujours en dessous de tout le monde, mais qui a quand même suivi puis qui a continué les pas de Walt Disney après son décès là, dans les années 50. Y est-tu congelé, Monsieur Disney? Malheureusement pas. Il y a la rumeur qui veut ça, mais non. Est-ce qu'il va revenir un jour? Ouais, non, malheureusement pas, je ne crois pas. En 1926, Walt Disney va changer de nom pour... Ben, arrêtez, c'est Disney Brothers Cartoon Studio va changer de nom pour Walt Disney Studio. Puis après ça, va se transformer en Walt Disney Production en 1929. Ce qui nous amène au tout premier long métrage d'animation qui est Blanche-Neige et les Sept Nains en 1937. OK, c'est pas Mickey Mouse qui est arrivé en premier. Mickey Mouse était là, mais il était là en court-métrage. Okay. C'était tous des petits courts-métrages que Disney faisait, mais le premier long métrage, ça a été Blanche-Neige et les Sept Nains, donc en 1937. Et ça, c'était comme tout le monde se disait, oh, ça, c'est la fin des frères Disney, ça marchera jamais. Et ça a été totalement le contraire. Ça a été un chef-d'œuvre monumental. C'est d'ailleurs le film qui a rapporté le plus d'argent, je crois, cette année-là. On parle de long métrage. C'était combien de temps à l'époque? Ah, Blanche-Neige, si je me trompe pas, c'est à peu près dans les 80 minutes. Okay, et pour un film d'animation, pour l'époque, dites-vous que ce que vous aviez, c'était à peu près 20 minutes, 30 minutes, gros max. Là, t'as l'air avec un film d'une heure et demie, c'est énormément là de temps, puis c'est beaucoup d'argent parce que c'est de l'animation là, c'est de l'animation. C'est pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Non. Dites-vous qu'une seconde, c'est 30 images. Donc si vous avez un film de 80 minutes, vous multipliez 80 par 60 secondes par 30 images secondes. Ça vous donne le nombre de dessins que vous avez dans votre film. Yannick va commencer à calculer. Donc, ça arrête pas. Donc, on dit, c'est... C'est 30 images secondes. 30 images secondes. Il y a 60 secondes. 30 fois 60 secondes. Fait que ça fait 1800 images par minute. Donc, tu multiplies ça par 80. Fois 80. Hey, 144 000 dessins. Wow, okay. Wow. Puis à l'époque, les gens disaient, bah, écoute, ça n'a pas de bon sens, ça se fera jamais. Puis, c'est le cinéma physique est plus important que le film d'animation. Donc, on se dit, il n'y aura jamais une auditoire pour ça. Et bang! Donc, Disney a été un peu le premier. Oui, oui, il a été le précurseur. Il a été le premier, OK. Oui, oui, ça a été le premier dans le domaine. Après ça, faudra se rendre en 1966 pour avoir un moment important où est-ce que Walt Disney va décéder des suites d'un cancer du poumon. Ça, c'était le 15 décembre. Et c'est Roy qui va prendre la relève à ce moment-là. Et Roy va comme tranquillement, pas vite, faire son petit bonhomme de chemin. Mais dans le, comme je disais tantôt, là, à la fin des années 70, le nouveau CEO de la compagnie qui était Ron Miller a décidé, lui, qu'il voulait aller dans du cinéma un peu plus adulte. Donc là, pour ceux qui sont de ma génération, vous allez vous rappeler des films comme Le Trou Noir de Black Hole en 1979. Vous allez vous rappeler de films comme Les Yeux de la Forêt, Watchers in the Wood, 1980. Vous allez vous rappeler de c'est Something Wicked This Way Come. Je pense que c'est La Foire des Ténèbres ou La Foire aux Ténèbres. Je me rappelle plus du tout. Ça, c'était dans le début des années 80 aussi. Des films qui, au Québec, à l'époque, quand on avait cette cote-là, c'était 14 ans. Okay. Donc, vraiment bizarre de voir des films de Disney pour 14 ans, mais c'est pas des films violents, c'est juste que c'est un petit peu plus mature pour des enfants de bas âge. Pour la compréhension, peut-être pour le suspense aussi. Le suspense plus, oui, puis il y a un peu plus de scènes de violence, mais c'est contrôlé, là. Il y a pas de sang là-dedans, mais c'est juste, c'est des scènes qui sont un peu trop effrayantes pour des enfants de bas âge. Surtout qu'on joue beaucoup, mettons, dans la Something Wicked This Way Come, on joue beaucoup avec les araignées à un moment donné. Donc, pour les enfants, c'est un petit peu plus fréquent, excusez le terme, mais donc on a décidé de faire ça. Et ça va amener la création de Buena Vista Picture. OK. Qui, d'ailleurs, Buena Vista va être un nom que Disney va utiliser depuis 1952. Pour remplacer le mot Disney. Et aussi, il va avoir Touchstone Picture. Touchstone a créé Splash. Ça, c'était son premier film avec Daryl Hannah et Tom Hanks à l'époque. Donc, ça, c'était un succès monstre. Et là, on voit vraiment que Disney s'en va vers le film plus adulte, toujours en gardant le film enfant. Donc, on a Disney, puis on s'est créé comme d'autres branches pour aller dans d'autres domaines puis aller chercher un autre type de clientèle. Exact. Qu'avec le nom Disney, on associe déjà trop aux enfants, aux cartoons. Puis on veut pas détruire le nom non plus. Fait qu'on veut pas que les parents hésitent d'aller voir des films de Disney en disant, bon, OK, je vais amener voir mon film, mon enfant, mettons, voir un film de Touchstone qui est plus adulte, genre Good Morning Vietnam. Mm-hmm. Puis on s'entend qu'un enfant de 5 ans, quand il va voir Robin Williams crier Good Morning Vietnam à la radio, il va rire, mais quand il va le voir sacré par la suite, là, le parent ne trouvera pas ça drôle. Ben, le matin, il peut m'écouter à 5 heures, crier « Good morning, Québec! » Mais c'est tout aussi familial. C'est ça. Et là, on va arriver en 84, quelque chose d'important, c'est Michael Eisner, qui va devenir le nouveau CEO de Disney. Et Michael Eisner, au début, fait des miracles. Donc, il va faire « Who Framed Roger Rabbit? » Donc, qui veut la peau de Roger Rabbit? Mais ça, c'était pas très pour... c'était cartoon, mais c'était... cartoon, mais pas c'était très fait... pour enfants, là. Non, la trompette à la fin, là, mais, c'était, ça m'a fait peur, là. C'est Touchstone. Ben oui. C'est pas Disney. Mais il va quand même aller avec des gros classiques. Du côté de Disney, ben là, on va aller faire La Petite Sirène, Le Roi Lion, on va faire Aladdin, puis La Belle et la Bête. Rappelez-vous ces titres-là, je vais revenir avec ça plus tard, OK? Eisner fait des miracles avec Disney, l'amène à des sommets qu'il n'a jamais eus. Et à un moment donné, ce qui va se passer, bien comme toute bonne entreprise, c'est le contraire qui va switcher. Parce que autant on dirait qu'Eisner avait le vent dans les voiles, autant à un moment donné, vers le milieu des années 90, vers jusqu'à à peu près le début des années 2000, là, le bonhomme a perdu la magie, mais totalement. Il prend des vieux classiques de Disney, il envoie ça ensuite... dans la vidéocassette pour faire des suites ou des sequels qu'on appelle. Donc, Le Roi Lion 2, on n'a pas entendu parler tant que ça. Là. Non, puis après ça, t'as Aladdin 2, 3 et ainsi de suite. Après ça, t'as eu Blanche-Neige qui a eu une suite. T'as eu Cendrillon qui a eu une coupelle de suite. On fait des suites, mais la qualité n'est pas là. Et après ça, je pense que ce qui a mis le clou dans le cercueil de Eisner, c'était dans le début des années 2000 où est-ce que il a fait deux flops commerciales en partant l'année. Around the World in 80 Days, donc le tour du monde en 80 jours avec Jackie Chan, et The Alamo avec Dennis Quaid. Okay. Des films qui ont coûté 100, 120 millions, mais qui ont à peine ramassé 20 millions chaque. Puis en donc, plus, avec le tour du monde en 80 jours, là, c'est un classique de la littérature. Et Jackie Chan, tout le monde se dit c'est impossible, ça fasse un flop, mais ça a été un des pires flops de l'année. Et là, on se dit, OK, la compagnie Disney est dans le trouble, ça va tomber. Et il y a deux films qui vont sauver cette compagnie-là cette année. Là, on revient en 2003. On a un film de Pixar dont le titre du film m'échappe, je me rappelle plus c'était quoi. Et on a surtout le premier Pirates des Caraïbes. Avec Johnny Depp. Avec Johnny Depp. Et ces deux films-là vont sauver la mise pour Disney. Mais là, on va dire à Eisner, sais-tu quoi? On va te faire une offre que tu peux pas refuser. Et Eisner a accepté l'offre et il a dit, je me retire du CA et je le donne à quelqu'un d'autre. Et là, à ce moment-là, en 2004, on a un homme qui va prendre les rênes, qui s'appelle Robert A. Iger, et lui va faire quelque chose de génial. Il dit, écoutez, la façon que Disney a de survivre, c'est de donner ça à des gens qui connaissent ça. Je ne connais rien là-dedans, alors voilà, je commence mon travail. Première chose qu'on fait, on finalise les ententes qui avaient commencé en 1989 pour prendre possession des Muppets. Donc, tous les Muppets de Jim Henson, on va les ramasser. Pourquoi ça a pris tant de temps que ça? Ben, c'est parce que Henson est décédé au moment où il faisait les négociations à la fin des années 80. Okay. Et donc, il a fallu attendre jusqu'en 2003 pour finaliser cette entente-là. Iger qui va finaliser ça finalement quand il va prendre son poste. Ton film en 2003, oui. Est-ce que c'est Trouver Nemo? Finding Nemo, exactement. Finding Nemo. Exactement. Tout le monde voulait des petits poissons. Hein. Exactement. Mais vous voyez, c'est ces deux films-là qui ont sauvé Pixar de la faillite. Pas Pixar, mais je veux dire Disney de la faillite parce que ça allait vraiment pas bien à ce moment-là. Par la suite... C'est assez spécial de penser, puis ça fait pas si longtemps que ça, parce que Disney était sur le bord de la faillite. Exact, exact. Et là, Iger, ce qu'il fait, c'est que la première chose qu'il fait, c'est qu'il va essayer de sauver la mise. Parce que dans les derniers temps de Eisner, ça c'est probablement ce qui l'a mis dehors, c'est qu'à un moment donné, Pixar ont eu des problèmes avec lui. Parce que Pixar rapporte énormément d'argent, sauf qu'il est indépendant. Et Eisner voulait plus d'argent, puis il voulait en donner moins pour les productions à Pixar. Alors Pixar ont dit, ben sais-tu quoi, on va se trouver quelqu'un d'autre. Et donc, ils sont partis, et ils ont quitté Disney. Et quand Iger est arrivé au poste, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a pris le téléphone, puis il a appelé les présidents de la compagnie, puis il a dit, écoutez, les boys, je viens vous faire une offre que vous pouvez pas refuser. Vous revenez avec Disney. Pire que ça. Alors, on donne des actions, et là, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est on achète Pixar. OK. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on approche John Lasseter. John Lasseter, c'est un des producteurs exécutifs, puis c'est pas le chef de Pixar, mais c'est le gars qui contrôle Pixar par en dessous. Et... Comme Roy Disney avec Walt. Exactement. Et on dit que dans le milieu actuel, dans le monde du cinéma, l'homme le plus proche de la mentalité de Walt Disney, c'est John Lasseter. D'ailleurs, faut se rappeler que John Lasseter est le gars à qui on doit tous les films de Miyazaki en Amérique du Nord. Parce que si c'était pas de lui, on n'aurait pas eu de Castle in the Sky, Princess Mononoke ou Spirited Away. On n'aurait jamais eu ces films-là. C'est lui qui est allé les chercher parce que c'est un malade d'animation. Et pour le Japon, c'est les meilleurs films d'animation. Le Miyazaki, c'est un dieu dans l'animation japonaise. Okay. Alors, Pixar arrive. OK, on vend, on va prendre des cotations. Donc, on obtient des parts dans la compagnie Disney. Mais Lasseter se voit offrir un poste incroyable. Alors, voilà qu'est-ce qui se passe. Disney achète Pixar. Pixar prend le contrôle de Disney Animation. Bon deal. Ça veut dire qu'en réalité, c'est comme si Pixar avait acheté Disney. Mais sans dépenser une scène. Ouais. Fait que non seulement ils se sont achetés, mais en plus, ils prennent le contrôle. Alors, Lasseter contrôle tout ce qui est Disney Animation. Et à partir de là, vous allez voir un changement drastique dans l'animation de Disney. Bolt est le premier film qui est produit par John Lasseter. Avec le petit chien, là. Le petit chien, exactement, ouais. Qui veut être un super-héros en réalité, mais qui n'est pas un. Et qui, justement, est produit par Lasseter. Donc, c'est le premier film de Disney d'animation qui est comme pris en charge, non pas par Pixar, par John Lasseter, mais qui, sans voir le nom Pixar, est une création Pixar. OK. Après ça, on va continuer, puis on s'en va, parce que ce gars-là n'a pas fini, là. Il a dit, OK, en 2009, j'ai l'intention de mettre 4,24 billions de dollars pour acheter Marvel Entertainment. La production des super-héros. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose... Puis là, je veux essayer de mettre les bons points. Là. Parce que les gens pensent toujours que Disney a acheté Marvel. Non. Marvel Comics appartient à Marvel Comics. Marvel Entertainment, c'est la maison de production de Marvel Comics. Donc, tout ce qui touche au film, c'est Marvel Entertainment qui s'en occupe. Donc, Disney achète Marvel Entertainment. Dans le fond, il achète les droits. Il achète la compagnie. Marvel okay. Entertainment, mais il n'achète pas Marvel Comics. Okay. OK? C'est encore là, comme on disait tantôt, là, ils créent plein de branches. Ouais. Là. Alors, c'est une branche de Marvel qu'ils ont acheté. Ce que ça leur donne comme pouvoir, c'est la chose suivante. D'abord, on respecte toutes les ententes de distribution nord-américaine. Donc, si Sony distribue des films de super-héros, ben c'est encore Sony sur le continent nord-américain qui va distribuer les films de Disney. Mais, de Marvel. Sauf que Disney a une cote là-dessus. OK. Mais quand on va du côté européen, et c'était là la lacune des films de Marvel Entertainment, c'est que il y avait pas la puissance de Disney en arrière. Mais là, Disney prend le contrôle de la distribution. Et là, c'est eux qui s'occupent de distribuer tous les films de super-héros. Là, donc, à travers le monde. Exactement. Donc, si on parle, mettons, de Spider-Man Homecoming, qui est un film de Sony, vous allez de l'autre bord en Europe, et c'est Disney. Qui fait la distribution. Donc, ça va être marqué Disney, Spider-Man. Vous allez avoir le logo de Disney au lieu d'avoir le logo de Sony comme on a ici. Donc, ça, c'est un gros achat. Et ça aussi, ça permet à Disney à mettre la main sur tout ce qui est produit promotionnel. Donc, les figurines, les packs sacs, tout ce qui est accessoires, les verres, les tasses, les scies, les jeux de cartes, tatatata. Tout ce qui se fait d'accessoires promotionnels pour les films de Marvel Comics, ça va dans les poches de Disney. Wow, mais ça, je savais pas. Dans le fond, Disney, c'est pratiquement un monopole. Vous avez pas fini encore, là. Parce que... on n'a pas parlé de la Guerre des Étoiles encore. On y arrive. En 2012, et là, c'est la petite jambette à 20th Century Fox de Disney qui va cogner à la porte de Lucasfilm qui dit « Georgie, on a une offre à te faire que tu peux pas refuser. » Pour moi, là, Disney, ils ont déjà vu le parrain à multiples reprises. Donc... ils achètent Lucasfilm. Et ça met en colère 20th Century Fox parce que 20th Century Fox, c'est leur vache à lait. Ça a commencé avec drum-tum, drum-tum, drum-tum. Après ça, c'était dans une galaxie très lointaine. Exact. Mais là, maintenant, on n'a plus ça. C'est Disney. On a Disney, ouais. Exactement. Et donc, ça a coûté 4,6 billions. Ça a coûté moins cher à aller chercher Lucasfilm que Marvel Entertainment. Mais... un bon investissement parce que là, ce que ça fait, ça positionne Disney dans un... Écoutez, c'est incroyable, là. Pensez-y. Ils ont Pixar Animation. Ouais. Ils ont Marvel Entertainment. Et ils ont Star Wars. Indiana Jones, ils n'ont pas touché encore, là. C'est vrai. Ça s'en vient. C'est vrai, ça. OK? Ils n'ont pas touché à ça. Et il y a tout ce qui s'en vient avec Lucasfilm. Donc, vous avez tous les produits promotionnel, donc figurines Star Wars ici et ça, là, tout ce qui avait une cote pour Lucas à cette époque-là, Disney ramasse tout ça. Là. Puis on avait peur aussi, si on revient avec Star Wars, que Disney qui pogne la guerre des étoiles, comment ça va virer, finalement, ça a été un succès au box-office. Juste Rogue One, qui était comme la première histoire dérivée, où entre deux films avec des personnages nouveaux, ça a été un succès, c'est un peu plus dark, puis un peu comme on a fait avec Batman en titre de comparatif là, puis ça a été un succès. Là. Exact. Faut se dire aussi, il y a beaucoup de gens qui aiment pas tellement épisode 7. Mais quand même, épisode 7 est quand même un film qui a ramassé presque $1 billion sur le continent nord-américain. Là, faut le faire, là. Épisode 7, c'est la menace fantôme, là, avec... Non. Épisode 7, okay, c'est le nouveau, là. C'est la force, c'est vrai, The Force Awakens. La raison, moi, ce que... Puis vous savez, regardez ce que je viens de vous montrer, là, comme démarche, là. Puis tantôt, je te disais, ils savent jouer au poker, mais je vais changer ma phrase et je vais dire, ils savent jouer aux échecs. Okay. Je pense que le jeu d'échecs s'applique mieux à ça. Ils posent les pions. Et Disney sont pas stupides. Ils ont un gros contrôle sur l'univers de Star Wars parce que c'est quelque chose qui leur a coûté très cher, puis ils savent ce que ça va rapporter en argent. Alors pour moi, je dis toujours aux gens, épisode 7 est une mise on a bougé un pion sur l'échiquier. C'est-à-dire épisode 1, 2, 3, dont la menace fantôme, ont déçu beaucoup de monde parce que on a comme sauté trop technologique, on était trop high-tech, moins humain, moins épisode 4, 5 et 6. Ouais. Et donc, les gens ont été pas mal déçus. La job de Disney, c'est de dire aux gens, OK, vous pensez qu'on est juste des gens qui font des films de kids, il faut qu'on vous prouve que c'est pas le cas. Épisode 7 est un film de placement. C'est-à-dire qu'on est allé rechercher la mentalité d'épisode 4. On est allé rechercher plein de choses. Oui, je suis d'accord pour plusieurs. Vous allez dire c'est un remake de épisode 4 et épisode 5 réunis ensemble. Vous avez tout à fait raison. Mais n'empêche que je suis certain que quand vous êtes allé voir le film, votre petit cœur d'enfant de 1977, quand il écoutait Star Wars, il a recommencé à battre. À voir les X-Wing, à voir Han Solo. Les TIE Fighters, tout était là, Darth Vader, tout ça. Donc, c'est un film de placement. C'était juste pour montrer aux gens, regardez, on est sérieux, on s'en va dans cette direction-là. Rogue One, là, c'est le contrôle de Disney. Là, on montre vers où on s'en va avec l'univers. Et oui, on voit que c'est un univers qui est beaucoup plus mature, mais il est contrôlé. Faut se dire que le réalisateur, c'est Edward, son nom de famille m'échappe un petit peu, mais c'est lui qui avait donné Godzilla, le dernier Godzilla qui est sorti récemment, avait fait le film, et Disney, il y avait certaines affaires qu'il avait pas aimées, et là, il avait décidé de refaire des reshots de films sans son autorisation. Oui. Gareth Edwards? Oui, c'est ça, Gareth Edwards. Et donc... ils ont filmé des séquences, dont la séquence finale où on voit Darth Vader avec qui utilise la force là, pour justement essayer d'empêcher les rebelles de quitter le vaisseau et tout ça. Ça, c'est toute une séquence que Disney a refaite. Le combat sur la planète était beaucoup plus violent et beaucoup plus dark que ce qu'on a vu là. Ils ont allégé ça pour pas que ça contamine trop le nom de Disney tout en restant respectueux de l'univers de Star Wars. Mais on voit quand même, j'avais peur moi de Rogue One à cause de ça parce qu'on parle que c'était, je pense, le plus gros budget de reshoot ou de retournage, là, ou de séquence retournée de toute l'histoire du cinéma. Et pourtant, c'était un petit délice, ce film-là. Et on a vu vraiment la direction. Et je pense qu'épisode 8 s'en va plus dans cette direction-là. Au mois de décembre. Oui, qui s'en vient cette année. Donc, vous voyez vraiment que Disney là place bien ses pions. Est-ce que j'ai fini? Non. Parce que, tantôt, rappelez-vous, je vous ai dit... La petite sirène. Ouais, le Roi Lion. Le Roi Lion. Rappelez-vous ces titres-là, hein? Ben, regardez ce qu'on fait cette année. Beauty and the Beast. Ouais. Beauty and the Beast, La Belle et la Bête, c'était pas le premier film qu'on a fait d'animer. C'est-à-dire nos films d'animation de l'époque, puis de les refaire en film avec des personnages réels, c'est pas le premier qu'on a eu. Maleficent, qui est un genre d'adaptation de Blanche-Neige. Oui. On a eu aussi, faut pas que je me trompe, là. Sorcerer's Apprentice, donc l'apprenti sorcier, qui est un genre d'adaptation d'une courte histoire qu'on a eue dans le film Fantasia en 1940. On a eu aussi Alice in Wonderland de Tim Burton, faut pas oublier celui-là. Et on a eu Le Livre de la Jungle, de Jungle Book. C'est vrai. Qui était fait par John Favreau. Mowgli. Mowgli, exactement. Qu'on a fait avec des personnages réels. Donc là, on est parti sur une dérape, puis là, on s'est dit, OK, on a pas assez sur la table. Let's go, on en rajoute. Alors, on a présentement en préparation le Roi Lion. En vrai? Wow! Là, dites-vous que ça va être, c'est fait par John Favreau, celui qui nous a donné Iron Man 1, 2 et 3, qui va être également qui a été également le réalisateur de Jungle Book. Donc, il va faire le film comme Jungle Book. Donc, les animaux étaient faits en synthèse. Donc, tous les animaux de Lion King vont être faits en synthèse également. Aladdin. Ça en vient. Ça, c'est Guy Ritchie qui va le faire. Little Mermaid. Il n'y a pas de réalisateur encore, mais on travaille sur le scénario. Mulan, qui s'en vient aussi, qui est réalisé par l'actrice qui nous avait donné McFarlane USA. Donc, c'est Nicky Caro. Et Tim Burton qui revient à la charge avec Dumbo. Et écoutez bien Dumbo. Wow! Ouais, mais attendez, écoutez bien ça. Écoutez le staff. Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton, puis Eva Green. Je vois Danny DeVito comme étant le méchant dans le cirque. Non, effectivement, c'est lui qui gère le cirque. Et c'est Michael Keaton qui va jouer le méchant là-dedans parce qu'il cherche à s'approprier Dumbo. Puis, regardez ce qui est en préparation. On a Cruella pour les 101 Dalmatiens. On a Maleficent 2, bien sûr, qui s'en va. On parle d'une adaptation cinématographique de Winnie l'ourson. Pinocchio, The Sword in the Stone, ça c'était, mon Dieu, en français je me rappelle plus c'est quoi, mais c'était l'histoire du roi Arthur avec Excalibur. Puis on a Peter Pan aussi qui s'en vient. Puis bien sûr, j'ai oublié tantôt une adaptation qui avait été faite par Disney, qui était Pete's Dragon, qui a été faite, je pense, c'est l'année passée. Donc ça aussi, c'est des affaires qui s'en viennent. Puis on a Mary Poppins Returns là qui s'en vient, qui est la suite de Mary Poppins, le film avec Julie Andrews. Fait que là, vous, je sais pas si vous voyez là où est-ce que tantôt je vous disais Disney est un monstre qui est inarrêtable. Là. C'est incroyable. Vous avez encore 4 années, si je me trompe pas, incluant cette année de Star Wars qui s'en vient. Vous avez Indiana Jones qui n'ont pas touché encore. T'es-tu correct? Oui, je le trouve pas. OK. Vous avez... vous avez... J'ai perdu mon idée. Vous avez Indiana Jones qui n'a pas été touché, c'est ça? Donc, vous avez Star Wars. Vous avez tous les films de Pixar qui continuent à avoir lieu. Vous avez les Muppets qui sont là encore. Puis, là, vous avez Marvel Entertainment. Ce qui fait que... Ça va bien, les films de Marvel. Ah, ça va très bien, si les films de Marvel. Si on compare, là, avec... Merlin l'Enchanteur? Merlin l'Enchanteur, c'est ça. Si on compare avec l'autre univers, là, DC Comics, des fois, ça tire un peu plus de la patte, là. Ah, mais là, encore une fois, Yannick, je vais te surprendre. Parce que, vois-tu, si je vais avec le box-office cette année, là, le premier, bien sûr, c'est La Belle et la Bête. OK? Ouais. Il y a 500 millions de ramassés sur le continent nord-américain. Le deuxième, c'est lequel, après toi? C'est pas... C'est Spider-Man? Non, mais je vais te dire que c'est la première fois que cette super-héroïne a un film. Wonder Woman, qui vient de dépasser le 400 millions et qui ne sera jamais rejoignable. Donc, le 1 et le 2 vont rester là jusqu'à la fin de la présente année. Beauty and the Beast, il n'y a personne qui va le rejoindre, puis Wonder Woman, il n'y a personne qui va le rejoindre. Là, tout le monde va dire, ouais, mais Star Wars s'en vient. Mais Star Wars arrive aux fêtes de Noël. Et le 31 décembre, c'est la fin des box-office annuels. Donc, c'est impossible pour Star Wars d'aller chercher ces films-là parce qu'il va pas aller chercher un 5 ou 600 millions en une semaine parce que je pense qu'il sort juste, je pense que c'est le 18. En tout cas, c'est 2 semaines, là. Dans ces eaux-là, ouais. À moins vraiment d'un miracle. C'est tant mieux pour Disney si ça arrive là. Mais tu vois, Warner Brothers a fait une petite jambette. Ils sont passés numéro 2. Mais numéro 3, c'est Guardians of the Galaxy 2. Aussi. Et numéro 4, c'est Spider-Man, qui est fait par une association entre Buena Vista, donc Walt Disney, et Sony. Parce que, pourquoi Disney a des droits sur Spider-Man, vous allez me dire, parce que c'est Sony, normalement, qui fait ça. Rappelez-vous Avengers, pas Avengers, mais Captain America Civil War. Oui, okay? C'est où on l'a aperçu pour la première fois. Exactement. Il y a eu un deal qui s'est fait entre Sony et Disney, où est-ce que Disney ont dit, écoutez, on voudrait vous emprunter Spidey, puis en échange, nous, ben, on va faire ça, on va vous donner Iron Man pour Spider-Man Homecoming. Donc, un petit échange de service et un petit échange de recettes parce que Sony est allé chercher une petite cote sur Captain America. Puis là, ben, Disney va chercher une petite cote sur Sony Homecoming. Donc, d'où la raison pourquoi ils ont présentement, ils touchent à 3 des 4 premiers titres du box-office de 2017. On recule en 2016 pour le fun. Rogue One, numéro 1. Finding Dory, la suite de Finding Nemo, encore Disney. Numéro 3, Captain America Civil War. Le numéro 4, c'est Secret Life of Pets, qui est le seul compétiteur véridique à Disney, qui est Universal Pictures. Et après ça, numéro 5, on a Jungle Book, que je parlais tantôt, le livre de la jungle. Ouais. Donc, vous avez en 2016, 4 des 5 top box-office qui est par Disney. On recule encore, 2015 pour le fun. Ouais. Star Wars épisode 7. Numéro 1. Après ça, ben là, on a Universal avec Jurassic Park. Avengers Age of Ultron, numéro 3. Inside Out, Pixar, numéro 4. Puis Furious 7, qui était à ce moment-là, Universal Pictures encore, qui est numéro 5. Donc encore 3 des 5. Pourquoi je remonte jusqu'en 2015? Premier film de Star Wars, c'est la première fois que les 3 franchises qu'on a parlé tantôt, donc Lucasfilm, Marvel Entertainment et Pixar, arrivent en force. Donc vous regardez les box-office, là, ils ont toujours 3 titres minimum. Wow. Dans le top 5. Pis ça s'en va tout dans la même poche parce qu'on ramène ça à Disney. Puis souvent, des fois, on s'en rend pas compte. Non, exactement. Puis on n'a pas parlé de Disneyland aussi, des parcs thématiques. Non. On aurait pu en parler également parce que où les jeunes veulent aller en vacances, où tu veux aller? Disneyland! Oui, exact, exact. Et ça, on va dire merci à Roy. Parce que c'est toutes les idées de Walt. Mais quand il est décédé, Walt avait commencé quand même ça, les parcs d'attractions, mais c'est Roy qui a vraiment accentuer ce que les parcs d'attractions sont devenus avant son décès. Parce que Roy Disney, je pense qu'il est mort dans les années 80, si je me trompe pas. Je l'avais marqué quelque part ici. Non, même pas. Roy Disney décédé en 1971. Ah, 71, oui, c'est ouais. ça. Fait que c'est ça. Fait que ça pour dire qu'il y a quand même suivi ça. Puis je suis quand même content de voir que Disney est quand même pris en charge par des gens qui gardent cette mentalité-là, parce que ça, c'est le danger aujourd'hui des gens qui prennent de quoi puis qui décident de tout changer. Mais Disney est un univers qui est fait avec le respect et je pense que Pixar vont tellement bien là-dedans. D'ailleurs, petite anecdote. Oui. Pour ceux qui connaissent un petit peu le cinéma, vous allez voir où je m'en viens avec Pixar et Lucasfilm. C'est que Pixar a été créé à l'intérieur de Lucasfilm. Pixar s'est séparé de Lucasfilm à un moment donné pour devenir la compagnie qu'elle est devenue. Ça, c'était avant Toy Story. Et c'est drôle, mais les deux sont revenus sous la même bannière qui est Disney. Wow. Mmh. Hey, Christian Lassens. Christophe. Mais c'est pas grave, Yannick. Christophe. Hey, oui. Un passionné. Je t'ai présenté comme étant un passionné au début de l'émission. Puis wow, on a fait un beau tour de Disney. Merci beaucoup d'être passé en studio. Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi de m'avoir accueilli. Christophe Lassens, un vrai passionné. Je vous invite à aller réécouter le tout un peu plus tard en journée sur RadioX.com. Nous, on s'arrête quelques instants et au retour, on poursuit cette merveilleuse émission et ce jusqu'à midi. Tu vois, je suis merveilleuse. Wow. Il manquait juste la fée clochette. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou deux semaines et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica. Thank you.